suis en fumette. J'mets les lunettes. J'ouvre la fenêtre. Et la miss me guette. Ce soir je dette. J'mets les survêtes. Je lève mon verre. Et dans le fond je les aime. J'suis parano. J'vais les baiser par amour. On aime tous la mélodie. Un peu comme Maggie Wanano. Tu pars en couille. T'as fait chauffer. C'est comme mon resto. Demain je me lève tôt. Tant pis je reste. Je prends pas la testo. Oh je me tue au sèche. Dans le fond je t'aime. Comme mon resto, demain je me lève tôt, tant pis.